بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، حييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي بكم مرة أخرى في هذا المسجد المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا بالإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا أيضا بالعلم النافع والعمل الصالح. Donc je disais que j'étais très heureux d'être parmi vous aujourd'hui dans cette mosquée bénie, et je demande à Allah عز وجل qu'il nous accorde à tous la sincérité dans nos actes et dans nos paroles, et qu'il nous accorde également la science bénéfique et les bonnes œuvres. Alors juste avant de commencer, je voudrais faire une petite rectification. J'ai été présenté comme Cheikh Smaïl, alors on va juste garder Smaïl et on va enlever le Cheikh, d'accord? Comme vous voyez, je suis un jeune garçon, j'ai pas un doctorat en sciences islamiques ou quoi que ce soit, j'ai pas d'élèves, j'ai pas de livres, donc c'est juste pour faire cette petite rectification. Donc notre sujet aujourd'hui, déjà, je préviens que je vais principalement parler en français. Notre sujet aujourd'hui, il concerne le fait de porter une attention, de méditer sur une sourate du Coran, qui est la sourate Al-Kahf, qui est la sourate qui se trouve au milieu du Mus'haf, la 18e. Le choix du sujet de s'intéresser à une sourate du Coran, bien évidemment, il est lié au fait que nous nous trouvons pendant la période bénie du mois du Ramadan. Et Allah, il nous informe, قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Le mois du Ramadan, le mois où le Coran a été révélé. Donc quoi de plus normal que pendant ce mois de non seulement lire le Coran, mais aussi de essayer de rentrer plus en profondeur dans ce Coran, de l'étudier, de le méditer. Car je rappelle que le but du Coran, c'est la purification de l'âme. Hein, lorsqu'on a demandé à Aïcha radiallahu anha quel était le comportement du prophète alayhi salatu wasalam, elle a dit kana khuluquhu al-Qur'an, son comportement était le Coran. Donc le but pour le musulman à travers ce Coran, c'est même pas que de connaître les significations, c'est pas ça le but final, c'est pas la connaissance des sens qu'il y a dans le livre. Le but final, c'est de se purifier et d'acquérir tous les comportements dont il est question dans le Coran. C'est ça le but final. Donc le but final, c'est de s'imprégner de ce Coran. Donc moi j'ai choisi Surat Al-Kahf pour plusieurs raisons. An Abi Darda, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal, man hafida 10 ayatin min awwali Surat Al-Kahf, usima min Dajjal, wa fi riwayatin min akhir Surat Al-Kahf, rawa Muslim. Donc dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, donc authentique, le prophète, alayhi salam, il nous dit, celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de Surat Al-Kahf, et dans une autre version, les 10 derniers, il sera préservé de la fitna de Messie al-Dajjal, la fitna de l'antéchrist. Également, dans un autre hadith, le prophète, alayhi salam, nous dit, « Man qara'a Surat Al-Kahf min fi yawmi al-jum'a adha'a lahu min al-nur ma bayna jum'atayn, sahahaw l'albani fi sahih targhib wa tarhib. » Donc dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wasalam, il nous dit, celui qui lit la sourate Al-Kahf le vendredi, une lumière l'éclairera jusqu'au vendredi suivant. Donc déjà, cette sourate-là, elle a des spécificités, puisque l'apprentissage des 10 premiers versets ou des 10 derniers, elle préserve de Messie Dajjal. Et il est demandé de la lire tous les vendredis. Donc on voit déjà qu'elle a un statut particulier. Alors cette sourate, elle a été révélée dans ce qu'on appelle Asbab al-Nuzul, les raisons de la révélation de cette sourate, le contexte dans lequel elle a été révélée. Il est rapporté un hadith par At-Tirmidhi, qui est jugé Hassan, dans lequel, en fait, je vous raconte l'histoire en substance de ce hadith. Les Quraishites, ils ont voulu mettre à l'épreuve le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont dit, il va falloir qu'on lui pose des questions pièges, vu qu'il se prétend être un prophète, on va essayer de lui poser des questions pièges pour prouver aux gens que ce n'est pas un prophète. Et donc ils se sont dit, vu qu'il prétend recevoir la révélation, on va aller voir des gens qui ont reçu la révélation avant lui, et on va leur demander quelles questions on pourrait lui poser. Donc de la Mecque, ils sont partis jusqu'à Médine pour aller voir des rabbins, des érudits juifs, et ils leur ont dit, voilà, on a une personne chez nous qui se prétend être un prophète, quelles sont les questions qu'on pourrait lui poser pour le piéger. Et donc, ces érudits juifs, ils ont réfléchi, ils ont rappelé les Quraishites, et ils leur ont dit, voilà les questions que vous pouvez lui poser. Vous allez lui demander, qu'est-ce qu'il dit au sujet de l'âme? Ensuite, vous allez lui poser comme question, que sait-il de l'histoire de l'homme qui a parcouru de l'Orient jusqu'à l'Occident? Et enfin, que sait-il des gens à qui il est arrivé une histoire extraordinaire? Combien étaient-ils et combien de temps ont-ils passé dans la caverne? Donc l'histoire des gens de la caverne. Et donc cette sourate-là, elle vient, hein, pour ceux qui la lisent, j'espère quand même qu'il y en a beaucoup qui connaissent cette sourate-là. Dans cette sourate-là, en fait, il y a quatre histoires. La première histoire, c'est quoi la première histoire? L'histoire des gens de la caverne. La deuxième, c'est quoi? Non, c'est pas le Khadir, la deuxième, c'est la troisième, ça. La deuxième, c'est Ashab Jannatayn, les gens du jardin. La troisième, c'est le Khadir et Moussa, alayhi salam, et la quatrième, c'est Dhulqarnayn. Donc, dans cette sourate-là, en fait, Allah Azza wa Jalla, il a ramené, non seulement il a raconté les récits des histoires qu'on a demandées, mais en plus, il a ramené d'autres histoires. Donc moi déjà, je voudrais qu'on se pose une question ensemble. Les histoires, on lit, est-ce qu'il y a un lien entre ces histoires ou pas? Ou est-ce qu'elles sont comme ça à la suite? Bien évidemment, il y a un lien et on va essayer de voir quel est le lien entre toutes ces histoires. Ensuite, une autre question, c'est que donc on a dit qu'il y a une question qui a été posée au sujet de l'âme. Et est-ce que la réponse à cette question, au sujet de Ruh, elle est dans Surat al-Kahf? Est-ce que oui ou non, elle est dans Surat al-Kahf, la réponse? Bon, je vois que vous êtes beaucoup très fatigués, aujourd'hui ça va être le jeûne. Il y en a un qui bouge la tête, il dit non. Oui, non, la réponse elle n'est pas dans Surat al-Kahf. La réponse elle est où? Dans la surat qui est juste avant, Surat al-Isra. Dans Surat al-Isra, il y a un verset, قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Il te questionne au sujet de l'âme, dit l'âme relève de l'ordre de ton Seigneur et on ne vous a donné de la science que peu de choses. Donc voilà une autre question. Pourquoi toutes les réponses elles sont venues dans Surat al-Kahf, sauf celle-là, elle a été mise dans Surat al-Isra? À votre avis, pourquoi? Tout le monde dort encore, c'est pas grave. Inch'Allah, la réponse, elle est donnée par l'imam Suyuti dans son livre Asrar Tartib al-Qur'an, dans son livre donc, dans lequel il expose les secrets de la disposition des sourates du Coran. Pourquoi il y a cette sourate-là et pourquoi il y a après celle-là et pourquoi celle-là, etc. C'est un livre magnifique. Et dans ce livre-là, il explique, il dit en fait que cette question-là, au sujet de l'âme, c'est la seule question auquel il n'y a pas de réponse, puisqu'il n'y a que Allah qui sait, il n'y a aucun être humain qui sait. Donc elle a été sortie, elle avait été mise à côté. Alors que les autres questions qui ont été posées au prophète, Allah Azza wa Jalla, il va apporter des éléments de réponse. Donc c'est pour ça qu'il a fait une distinction. Et cette question-là, de toute façon, c'était une question piège. Les érudits juifs, eux-mêmes, n'avaient pas de réponse à cette question. Mais c'était juste une question piège. Si la personne aurait été un imposteur, elle aurait essayé de trouver une réponse, et peu importe la réponse qu'elle aurait apportée, on aurait pu démontrer que cela est faux. et que personne n'a des informations au sujet de l'âme. Donc ce que je vous propose, c'est de raconter les quatre histoires qu'il y a dans Sourate Al-Kahf, de voir le lien qu'il y a entre ces histoires-là. Ces histoires-là, chaque histoire, de voir quels bénéfices on peut tirer de ces histoires-là, de voir pourquoi le prophète il demande de lire cette sourate tous les vendredis, de voir aussi pourquoi le lien qu'il y a entre Dajjal, Messie Dajjal et Sourate Al-Kahf, et de voir pourquoi la sourate elle s'appelle Sourate la caverne. Alors ça vous intéresse? On y va? On est parti? Oui, non? Inch'Allah. Donc, la première histoire qui vient, elle vient et elle est dans le sourate. Juste une chose que j'ai oublié de dire, bien évidemment, qui est très important, c'est que le prophète, lorsque les gens ils sont venus lui poser la question, il leur a dit revenez demain. Justement, il n'a pas dit Inch'Allah, il leur a dit revenez demain. Et donc là, la révélation, elle a été interrompue pendant à peu près 15 jours. Et donc les Quraychites, ils exultaient. Et c'est pour ça que dans la sourate, le verset donc 23, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Et ne dit jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain, sans ajouter Inch'Allah. C'est pour ça qu'il y a ce verset-là, parce qu'en fait, le prophète avait dit aux juifs, revenez demain, et il a oublié de dire Inch'Allah, et donc Allah, il a voulu lui enseigner quelque chose, et donc la révélation, elle a été interrompue, et ce n'est que 15 jours après que la révélation est arrivée, et le premier verset qui est arrivé, c'est « Am hasibta anna ashab al-kahf wal-raqim kanu min ayatina ajaba » Penses-tu que les gens de la caverne et d'Al-Raqim ont constitué une chose extraordinaire d'entre nos prodiges? Et donc cette histoire-là, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que selon les historiens, c'est une histoire qui relate donc un événement qui s'est passé chez un peuple chrétien dans la région de Jordanie. Et c'est pour ça que dans les premiers versets, vous avez un verset « وَيُنْذِرُ الَّذِينَ قَالُوا تَخَذَ اللَّهُ وَلَدًا » Et pour avertir ceux qui ont dit que Allah s'est attribué un enfant. Donc en fait, comme Allah Azza wa Jalla, il va raconter l'histoire des gens chrétiens, ben juste avant, il leur rappelle qu'il ne convient pas de dire que Allah a un enfant. Donc c'est pour juste vous expliquer que tous les versets qu'il y a dans le Coran, j'ai cité donc le tafsir de l'imam Suyuti qui explique pourquoi chaque sourate elle suit chaque sourate et qu'il y a des sagesses. Également, chaque verset suit un verset, ils ne sont pas là par hasard. Donc nous, c'est vrai, on a tendance des fois à lire et pas voir le lien qu'il y a, mais si on s'y intéresserait, on verrait le lien et on se rendrait compte du miracle du Coran. Hein? Donc, comme je disais, cette histoire, elle s'est passée donc en Jordanie, selon les historiens, et à l'époque d'un empereur romain qui s'appelait l'empereur Décius. Et l'empereur Décius, il est connu pour la persécution des chrétiens. Et donc dans son peuple, il a, si vous voulez, mis la débauche. Et donc c'est à une époque, 70 ans à peu près, après que Allah Azza wa Jalla ait élevé Issa vers lui, les gens, ils avaient déjà pratiquement, pour la plupart dans cette région-là, oublié le monothéisme. Et ils étaient revenus à l'alcool, à la débauche, à la fornication et toutes ces mauvaises choses-là. Et il y avait un savant qui connaissait la religion du monothéisme enseignée par Issa, qui était un vieil homme. Mais il ne pouvait pas faire da'wa de manière apparente, puisque l'empereur il était connu pour persécuter tous les gens, les tuer, les mettre en prison, tous les gens qui appelaient au monothéisme et qui appelaient les gens à revenir à la voie droite et à délaisser la débauche et la fornication, etc. etc. Et donc lui, ce vieil homme, quand il a senti qu'il commençait à devenir vieux et que la mort s'approchait, il a décidé de faire da'wa, mais de manière cachée. Et donc il a choisi plusieurs jeunes, il a choisi des jeunes, parce que donc ils auraient plus le temps de transmettre, et il a choisi des jeunes de milieux sociaux différents. C'est pour ça que parmi les gens, il y en avait qui avaient un chien, puisque justement, il était berger. Et il a rapporté que dans les jeunes aussi, il y avait quelqu'un qui était proche de la famille de l'empereur. Et donc il a commencé à faire da'wa à ces jeunes-là. Et bien sûr, ces jeunes-là, ils ne se connaissaient pas entre eux. Et lorsque le vieillard est décédé, donc il a laissé ces jeunes-là qui ne se connaissaient pas entre eux. Et un jour, lorsqu'il y avait la fête du village où ils célébraient une idole et qu'il y avait l'alcool, etc., ces jeunes-là, ils sont sortis. Bien évidemment, le croyant, lorsqu'il voit la débauche et qu'il ne peut pas la réformer, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il reste au milieu? Il s'en va. Et donc, ces jeunes-là, Allah a fait qu'ils se sont tous retrouvés à la sortie d'un village à côté d'un arbre. Et c'est ce qui nous est relaté dans les versets du Coran, وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا. Hein, nous allons te raconter leur récit en toute vérité. Non, c'est nous avons fortifié leur cœur lorsqu'ils s'étaient levés pour dire notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgressions dans nos paroles. Et donc en fait, quand ils se connaissaient pas, ils sont partis, ils se sont retrouvés à côté d'un arbre et ils ont commencé tous à se regarder. Et tous ils ont compris, ils ont dit si ils sont là, c'est parce que comme moi, ils supportent pas la fête qu'il y a dans le village. Ils supportent pas la débauche. C'est parce qu'eux aussi, ça doit être des croyants. Et donc ils ont Allah, il a fait que se sont tous rencontrés à ce moment-là. Et donc, il y en a un qui s'est levé, et ils ont tous déclaré qu'ils étaient des monothéistes, comme il est dit dans le verset. Et donc, ensemble, qu'est-ce qu'ils vont décider? Ensemble, ils vont faire le constat que leur peuple, il est dans l'adoration des idoles et dans le mal. Donc, voilà que nos concitoyens ont adapté en dehors de lui des divinités. Et donc, ensemble, ils vont dire, oui, notre peuple, vraiment, il est égaré. Et qu'est-ce qu'ils vont vouloir faire? Ils vont dire, il va falloir qu'Inch'Allah, on fasse des efforts pour que ça change. Et donc, ils vont ensemble essayer de faire da'wah. Et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? L'empereur, étant donné que lui, il persécute tous les gens qui appellent au monothéisme, alors, il va envoyer la police et l'armée pour attraper ces jeunes. Et ces jeunes-là, ils vont courir, ils vont se regrouper dans une caverne. Et dans la caverne, ils vont invoquer Allah, et Allah, il va les endormir. فَضَرَبَنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. Et donc ils vont rester dans cette caverne-là. Donc, une fois qu'ils vont être dans cette caverne, Allah Azza wa Jal, on va voir sa grande miséricorde. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُوا عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَةِ اللَّهِ. Donc tu aurais vu le soleil quand il se lève s'écarter de leur caverne vers la droite et quand il se couche passer à leur gauche tandis qu'eux-mêmes sont là dans une partie spacieuse de la caverne. Cela est une des miséricordes, cela est une des merveilles d'Allah. Donc en fait ce verset il explique quoi? Il explique le fait que Allah Azza wa Jalla, il les a mis dans la caverne, il les a endormis, mais il va faire en sorte que la caverne elle va avoir une température pour que leur corps y soit conservé et que l'air il va pouvoir se renouveler. Et qu'il va faire passer le soleil pour que la température de la caverne elle soit à bonne température. Encore allez, subhanallah, Allah Azza wa Jalla déjà sa miséricorde. Et également dans un autre verset, il nous dit وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. Et nous les retournons sur leur côté gauche et sur leur côté droit. Pourquoi? Puisque l'une personne lorsqu'elle dort et qu'elle reste que sur un côté, le sang ne circule plus. Et si ça reste comme ça pendant longtemps, ça fait des maladies, des échardes. Et même dans les cliniques, quand il y a des patients qui ne peuvent pas se tourner, les infirmières elles font des plannings la nuit pour tous les deux heures aller retourner les patients. Donc regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jal, il prend soin d'eux dans la caverne et il fait qu'il les change de place, que la caverne elle soit à bonne température et qu'il les tourne pour pas qu'il y ait des échardes et que leur corps il soit bien conservé. Et donc, en ce qui concerne donc ces jeunes-là, qu'est-ce qui va se passer? Au tout début du verset, on nous dit Ashab al-Kahfi wa al-Raqim. Qu'est-ce que c'est Raqim? Selon l'imam Ibn Jarir, dans son tafsir, il explique en fait Raqim, c'est une plaque sur laquelle il y avait le nom des jeunes. Puisqu'en fait, ces jeunes-là, ils étaient pieux, ils ont voulu réformer les gens, et les gens, malgré qu'ils étaient dans la débauche, ils ont reconnu le bien, ces jeunes-là. Ils ont dit, ces jeunes-là, mashallah, ils sont vertueux, ils sont pieux. Et quand ils ont vu qu'ils ont disparu à cause de la persécution de l'empereur, ils ont dit c'est une injustice. Et leur cœur, ils ont éprouvé la sympathie et l'amour qu'ils avaient pour ces jeunes-là, il a augmenté du fait de l'injustice de l'empereur. Et donc ils ont fait une plaque où ils ont marqué leur nom pour ne pas les oublier. Et Allah Azza wa Jalla, il va faire que, par la cause de cette plaque, et de génération en génération, jusqu'à ce que tout le peuple, il va délaisser la débauche et il va revenir vers le monothéisme. Et donc en fait, subhanallah, regardez ces jeunes-là, ils ont eu un projet pour réformer leur société et les amener au monothéisme. Ils n'en ont pas eu la capacité, parce qu'ils étaient persécutés, Allah il les a endormis, il les a préservés, et pendant qu'il les a endormis, il les a préservés, il a fait en sorte que tout leur pays, il se réforme. Et donc, combien de temps ils sont restés? وَلَبِسُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا. Donc ils sont restés dans la caverne 309 ans. Et donc au bout de 309 ans, Allah Azza wa Jalla, il les a réveillés et ils ont constaté que tout leur peuple, il était revenu sur la voie droite. Donc voilà déjà une des réponses à la question que les Qurayshites ils avaient posée au prophète, combien de temps ils ont passé dans la caverne? 309 ans. Maintenant, en ce qui concerne la question combien ils étaient, il y a un verset justement où Allah Azza wa Jalla nous dit, قال الله تعالى سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم. Donc dans ce verset là, les savants ils ont divergé. Certains ils ont dit en fait on ne sait pas, et d'autres ils ont dit non si on sait, puisque Allah il dit rajma bil ghaib, c'est-à-dire en conjecturant, et que après il dit ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم, ça veut dire qu'ils étaient sept et que leur chien et que le chien c'était le huitième. Mais en fait, en réalité, on peut quand même se poser la question pour la réponse au nombre d'années dans la caverne. Allah Azza wa Jalla, il a été clair, il n'y a pas d'ambiguïté, ils ont passé 309 ans là. Même si on dit que c'est le septième qui sont sept et que le huitième c'est le chien, il y a quand même matière à discuter, et d'ailleurs les savants ils sont pas d'accord entre eux. Alors moi ce que je dis, Allahu A'lam. Il y en a, ils ont dit qu'on ne peut pas savoir, ils ont leur argumentation. D'autres savants, ils ont dit que non, ils étaient sept, ils ont argumenté aussi. On dit Allahu A'lam. Mais comme le dit Cheikh Sa'di dans son tafsir, ça fait partie des divergences sur lesquelles il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Qu'ils étaient six ou qu'ils étaient sept, il n'y a pas beaucoup d'intérêt à le savoir. Mais on peut se poser une autre question. Pourquoi Allah Azza wa Jalla, il n'a pas répondu de manière claire? Pourquoi il n'a pas dit sept ou six? Pourquoi? Parce que, en fait, les juifs eux-mêmes, dans leur texte, ils étaient en divergence. Et en fait, là, Allah Azza wa Jalla, il a ramené les divergences qu'il y avait chez les juifs eux-mêmes. Donc, subhanallah, regardez, c'est un miracle. Hein? C'est un grand miracle d'Allah, ça, subhanallah. Et que même si, donc, Allah Azza wa Jalla, il aurait donné une réponse, il aurait dit directement, ils sont sept, il y aurait toujours eu des gens pour dire, non, ils n'étaient pas sept, ils étaient trois. Regardez, dans nos livres, il y a marqué trois. Et là, en fait, en ramenant toutes les divergences, Allah Azza wa Jalla, il prouve aux juifs que Mohammed il reçoit la révélation d'Allah Azza wa Jalla, car Mohammed il ne savait pas lire et il ne connaissait pas la Torah. Et également il y a une grande leçon pour nous, que quand on ne sait pas, de discuter et de conjecturer et de polémiquer, il est bon de dire Allahu A'lam. Hein? Et regardez la suite du verset justement, قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ. Allah est plus savant. Hein? Et donc c'est pour ça que des fois les disputes sur des sujets qui finalement, même si on connaît la réponse, ça ne va pas nous apporter grand chose, et il est bon de s'éduquer à dire Allahu A'lam. Donc voilà pour l'histoire des gens de la caverne. Maintenant, donc j'ai dit pour chaque histoire je la racontais, on allait essayer de voir quel bienfait on pouvait tirer de cette histoire-là. Déjà, le premier bienfait qu'on peut tirer de cette histoire-là, c'est l'importance d'avoir dans la vie un projet. Regardez, le vieil homme, il était tout seul dans un état où il y a la débauche, où ceux qui vont appeler au bien, ils vont être persécutés, il n'a pas de moyens, il est vieux, il n'a pas le dynamisme qu'il avait quand il était jeune, mais pourtant il a eu un projet, en fonction de ses capacités. Il n'a pas baissé les bras. Regardez ces jeunes, ils se sont regroupés, ils ont eu un projet, et regardez, subhanallah, et pareil, ils n'avaient pas beaucoup de moyens, ils étaient seuls contre tout un pays, etc., un état, mais ils ont placé leur confiance en Allah, et Allah Azza wa Jalla, il leur a permis de faire aboutir leur projet. Donc nous aussi, à titre personnel, et notamment les jeunes, il est bon d'avoir des projets dans la vie. Un projet personnel, un projet collectif, de construire une mosquée, de construire des écoles, de faire des associations, d'apprendre l'arabe, le Coran, d'avoir un projet même dunyawi, tant qu'il est halal, d'avoir un projet d'apprendre un métier qui va te permettre de gagner ta vie de manière halal, de te marier, d'avoir des enfants, de les éduquer. Et c'est très important d'avoir un projet. Et pour les parents, lorsque vous voyez que votre fils il traverse une période difficile dans l'adolescence, il ne sait pas ce qu'il veut faire, ne le laissez pas comme ça. Discutez avec lui. Ne lui imposez pas de projet, mais discutez avec lui. Essayez de l'amener voir des choses pour qu'il puisse voir qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme projet dans la vie. Et c'est important d'avoir un projet. Ça canalise l'énergie, ça donne des objectifs. Donc voilà la première chose qu'on peut tirer de cette histoire-là. L'importance d'avoir un projet dans la vie. Bien évidemment qu'il soit halal, et qui soit articulée autour de la religion. La deuxième chose qu'on peut tirer de cette histoire-là, c'est de méditer sur la grande miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Regardez des gens, un vieillard, il a fait un petit effort. Des jeunes, ils ont fait un petit effort. Et regardez, 309 ans plus tard, ça a réformé tout un pays. Regardez ces jeunes-là, ils allaient être persécutés, ils ont demandé à Allah. Allah, il les a enfermés dans une, il les a endormis dans une caverne pendant 309 ans et il a pris soin d'eux. Il les a tournés, il a mis la clim dans la caverne. La bonne température, etc., etc. Donc ça, c'est à méditer. Et on peut méditer aussi de cette histoire-là, la grande puissance d'Allah Azza wa Jal, puisque tout un État, tout un pays, un roi, il ne peut rien faire même contre un vieillard si Allah Azza wa Jal, il décide de lui donner la victoire à cette personne-là. Hein? Donc nous, quand on est dans des difficultés dans notre vie, si on compte que sur nous-mêmes, oui, les difficultés, elles sont parfois insurmontables. Mais si on s'en remet à Allah Azza wa Jal, alors tout devient possible. Donc la deuxième histoire, c'est donc l'histoire des gens du jardin. Et Allah Azza wa Jal, il nous dit, قال الله تعالى وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا جَنَّتَيْنِ أَتَتْ أُكُلَّهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا. Donc dans cette histoire là il est relaté que Allah dit ce qui signifie, donne-leur l'exemple de deux hommes, ils étaient voisins. À l'un d'eux, nous avons assigné deux jardins de vignes que nous avons entourés de palmiers, nous avons mis entre les deux jardins des champs cultivés, les deux jardins produisaient leurs récoltes sans jamais manquer, et nous avons fait jaillir entre eux un ruisseau. Il avait des fruits, et dit alors à son compagnon avec qui il conversait, je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Et donc en fait il a rapporté, c'est l'imam Ibn Kathir qui nous ramène ça, que c'est donc ces deux personnes-là, ils étaient voisins, et les deux ils avaient des propriétés, sauf que un, tout son argent, il l'a employé dans le khair, il a fait des sadaqas avec. Et donc dans son jardin, son terrain, il ne l'a pas développé plus que ça, juste ce qu'il avait besoin. Alors que l'autre, tout son argent, il l'a investi dans son jardin. Et Allah Azza wa Jalla, il lui a facilité. Il a eu donc des palmiers, etc., tout ce que Allah décrit dans le verset. Et donc la personne, lorsqu'il a vu que son voisin de son jardin, il n'avait pas grand-chose, et que lui, il a investi tout son argent, et que s'il a commencé à devenir riche, à avoir beaucoup de biens, il a regardé son voisin, et en gros, il lui a dit, regarde, toi, tu n'as rien, moi, je suis mieux que toi, regarde tout ce que j'ai, moi, etc., etc. Il a commencé à s'enorgueillir. Et donc, il y a une discussion qui s'enclenche entre ces deux personnes-là. Et donc, l'autre personne qui a dépensé tout son argent dans la voie d'Allah, il lui répond, قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ ثُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَاكَ رَجُلًا لَكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا. Et donc il lui dit, et il discute avec lui, serais-tu mécréant envers celui qui t'a créé de terre, puis de sperme, et enfin t'a façonné en homme? Quant à moi, c'est Allah qui est mon Seigneur, et je n'associe personne à mon Seigneur. Et donc, il va y avoir cette discussion-là, et bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que Allah, Azza wa Jalla, il va envoyer une pluie terrible, qui va saccager le jardin de la personne. Et la personne, bien évidemment, elle va se rendre compte. Elle va dire, وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّ أَحَدًا. Si seulement je n'avais pas donné des associés à mon Seigneur. Et donc ici, il y a un enseignement qui est très important à tirer de ce verset, c'est qu'il dit, وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّ أَحَدًا. Regardez, il emploie le terme shirk. Ce qui nous amène à déduire que حُبُّ الدُّنْيَا, ça peut amener la personne jusqu'au shirk. À savoir que si ton amour pour Dunia il est tel que tu as vendu ta religion, alors tu es tombé dans le polythéisme. Et on sait tous que le polythéisme, c'est le plus grave des péchés. Hein? Donc la leçon de cette histoire-là, elle est là, elle est dans le fait que elle est dans le fait que la personne, elle doit mettre les choses à leur place. Et par rapport à Dunya, elle doit avoir le point de vue du croyant qui consiste à considérer Dunya comme quelque chose d'éphémère, comme quelque chose qui ne dure pas, et à considérer Dunya comme un lieu où tu es de passage, où tu peux jouir de cette vie-là dans le licite, mais de considérer avant tout cette vie comme un examen et comme une préparation pour ta vie après ta mort. Et normalement dans notre cœur, parce que nous souvent quand on parle avec nos raisons et on dit oui, Dunya elle n'a pas de valeur. Mais nos cœurs ils sont attachés à Dunya. Le but ici est le shirk, comme le dit l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziya, la cause du shirk c'est l'amour. Donc le but pour nous deux, par rapport à Dunya, c'est de ne pas être amoureux de cette Dunya. Et je rappelle à mes frères que les cœurs, comme disent les salafs, c'est comme des récipients. Donc un récipient, si tu mets un liquide et qu'il est plein, il est rempli de ce liquide, il n'y a plus de place pour mettre autre chose. Donc si ton cœur il est rempli par l'amour de Dunya, alors il n'y aura pas de place pour l'amour de l'Akhira. Et plus ton amour de Dunya il va diminuer, et plus ton amour de l'Akhira il va augmenter. Hein? Il y a des choses qui ne se mélangent pas. Donc, le croyant ne lui est pas demandé de dire avec sa bouche des choses qu'il ne ressent pas dans son cœur, mais il lui est demandé d'éduquer son cœur à délaisser cette Dunya. Et ça c'est un djihad dont tout le monde il a besoin. Parce que naturellement, l'être humain, il est attiré par ces choses-là. Et il y a Shaitan en plus qui le pousse vers ces choses-là. Et donc ça, c'est l'éducation que l'être humain il doit avoir par rapport à Dunya. La deuxième chose, cette histoire-là, elle est racontée. Il ne faut jamais oublier que cette, donc, les Quraishites, ils ont posé des questions aux prophètes et que cette sourate-là, elle vient pour répondre aux Quraishites. Et en fait, cette histoire-là, les Quraishites, ils n'ont pas posé des questions sur cette histoire-là. Mais pourquoi Allah, il en a parlé ? Il en a parlé pour dire aux Quraishites, vous dans votre société, le fort il méprise le faible, le riche il méprise le pauvre, le maître il méprise l'esclave. Et cette histoire-là c'est pour ça, c'est pour dire aux gens ne méprisez pas les gens, ne méprisez pas vos semblables. Hein? C'est pas l'éducation du musulman, le musulman il ne méprise pas ses frères. Le musulman qui a du ilm, il ne méprise pas ceux qui n'ont pas de ilm, mais au contraire. Il va vers eux avec la miséricorde pour leur enseigner. Le musulman qui a de l'argent, il ne méprise pas les musulmans qui sont pauvres. Mais au contraire, il les aide. Et ainsi de suite. Donc cette histoire-là, l'un des bénéfices à tirer, c'est ça. C'est le mépris du riche envers le faible, et envers le pauvre, ou du fort envers le faible, qui est une chose très mauvaise. Également aussi, qu'est-ce qu'on peut tirer comme bénéfice de cette histoire ? L'importance du dialogue. Et de savoir dialoguer avec hikmah. Et avec des arguments. Regardez, cet homme-là, là, dans ce récit, il a eu affaire à quelqu'un qui a tenu des propos immondes, ignobles. Il a nié l'akhira. Il est venu parler à son compagnon, il l'a méprisé en lui disant « Moi, je suis mieux que toi, toi, tu vois rien. » Et regardez cette personne-là, comment il lui a répondu. Il lui a répondu calmement et avec des arguments. Hein, dans la sourate, à un moment donné, il lui dit « Il se peut que toi, là, ce que tu as, Allah, il va tout enlever et à moi, il va me donner mieux que toi. » Regardez, avec des arguments. Et donc, nous aussi, c'est comme ça qu'il faut qu'on soit avec nos opposants. Il ne faut pas qu'on soit des sauvages. Il y a un truc qui ne nous plaît pas, on crie, on insulte, on casse. Ça, c'est la réponse du faible. La réponse de celui qui est fort et qui est intelligent, c'est les arguments et la sagesse. Et c'est ça, la réponse du musulman. Et enfin, le dernier bénéfice qu'on peut tirer de cette histoire, c'est que celui qui craint Allah et qui est reconnaissant envers Allah, alors il n'a pas à craindre. Il n'a pas à craindre les malheurs dans ce bas monde. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah il dit ce qui signifie dans un verset, et quiconque craint Allah, alors il lui accordera une issue favorable, et il lui accordera ses dons sur des moyens par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Quiconque place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Donc, regardez. Ici, vous avez un homme qui avait beaucoup de richesses et il a placé sa confiance en ses richesses et tout a été anéanti. Quelqu'un, il place sa confiance en Allah, alors Allah, il pourviendra toujours à son besoin et il ne le laissera jamais tomber. Donc la troisième histoire, qui est donc l'histoire de Al-Khadir et de Moussa, cette histoire-là, en fait, dans un hadith authentique, il nous est rapporté que Moussa alayhi salam, il a fait un sermon à son peuple. Et lorsqu'il a terminé le sermon, les gens, ils ont été impressionnés par sa science. Et quelqu'un, il est venu le voir et lui a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est plus savant que toi sur la terre? Et Moussa lui a répondu, non, je ne pense pas. Il a dit, non, c'est moi le plus savant sur la terre. Et quelque part, on peut comprendre qu'il ait répondu cela, puisque c'était un prophète. Et quel prophète? Et suite à cette réponse-là, Allah, il va lui révéler, il va lui dire que non, il y a quelqu'un qui est plus savant que toi. Mais ce qu'il faut comprendre de plus savant que toi, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui possède une science que tu ne connais pas. Car en réalité, Moussa est plus savant que le Khadir. Mais le Khadir, il a, dans un domaine de la science, plus de science que Moussa alayhi salam. Et donc, suite à ça, bien évidemment, Moussa alayhi salam, qu'est-ce qu'il va chercher à faire? Il va chercher à aller chez cet homme-là pour apprendre la science de cet homme-là. Et donc, il est rapporté dans les versets coraniques que donc Moussa alayhi salam, il va lui être révélé qu'il faut qu'il prenne un poisson et qu'il aille au confluent des deux mers, et que lorsque le poisson il va se jeter dans le confluent des deux mers, alors c'est à cet endroit-là qu'il va rencontrer le Khadir. Et donc ils vont marcher, et ils vont marcher avec son valet, il va prendre un serviteur avec lui, ils vont partir entreprendre ce voyage avec le poisson. Et donc ils vont marcher, et jusqu'à un moment ils vont arriver au confluent des deux mers, ils vont même le dépasser. Et quand ils vont le dépasser, Moussa il va dire, bon ben on est arrivé à l'endroit voulu, va donc nous donner le poisson pour qu'on puisse manger. Apporte-nous notre repas. Et là le valet va s'apercevoir que le poisson en fait il s'est déjà jeté dans la mer. Et Moussa il va lui dire, donc c'est ça qu'on cherchait bien, il faut qu'on refasse demi-tour. Et donc ils vont refaire demi-tour, et jusqu'à ce qu'ils vont arriver à l'endroit, ils vont rencontrer le Khadir. Hein? Et c'est pour ça qu'il y a donc « وَإِذَا قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْدِيَ حُقُوبًا » Il lui dit, rappelle quand Moïse dit à son valet, « Je n'arrêterai pas avant d'avoir atteint le confluent des deux mers, dussé-je marcher de longues années. » Donc après, il nous est rapporté que le valet donc a oublié le poisson. « فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ » Et ensuite, donc, ils vont rencontrer Al-Khadir. فَوَجَدَ عَبَدًا مِنْ عِبَادِنَا أَتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا. Et donc, ils trouvèrent l'un de nos serviteurs, donc Al-Khadir, à qui nous avions donné une grâce de notre part et à qui nous avions enseigné une science émanant de nous. Et donc là, Moussa, il va lui dire, voilà, est-ce que je peux rester avec toi afin que tu m'enseignes la science que tu possèdes et qui n'est pas en ma possession? Et le Khadir va lui dire oui. Il ne va pas lui dire oui tout de suite, mais il va lui dire qu'il ne voit pas l'intérêt parce qu'il pense qu'il ne sera pas capable d'apprendre cette science-là. Et Moussa va lui dire, Satajiduni insha'Allah sabiran wa la a'si alaka amra. Il va lui dire, tu vas me trouver, insha'Allah, si Allah y veut, quelqu'un qui ne va pas te désobéir et qui va être patient. Et donc regardez quand même ici, on peut noter la grande modestie de Moussa alayhi salam. C'est un prophète, il va rencontrer quelqu'un qui n'est pas un prophète pour apprendre de lui, il fait tout un long voyage, la personne lui dit tu ne pourras pas apprendre ce que j'ai à t'apprendre, et lui dit si Inch'Allah, si Allah il veut je vais patienter. On peut se poser la question nous comment on se comporterait, et quelle aurait été notre réponse? Ah non mais non moi c'est facile, ah non Wallahi je patiente. Hein? Donc ça a noté surtout dans la mesure où on a dit que Moussa alayhi salam il avait répondu qu'il n'y avait pas plus savant que lui. On pourrait penser qu'il était prétentieux, mais hacha, il n'était pas prétentieux. Il a répondu suivant une logique, que c'est un prophète et qu'il ne peut pas y avoir plus savant qu'un prophète. Mais Moussa alayhi salam il était modeste. D'ailleurs, lorsqu'on lui a dit qu'il y a quelqu'un qui possédait une science qu'il n'avait pas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru pour aller l'apprendre, ce qui prouve sa modestie. Et regardez, même lorsqu'il était avec son valet, il a pris un valet avec lui et lui a dit فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ أَتِنَا غَدَاءَنَا. Il lui a dit donne-nous notre repas. Il lui a pas dit donne-moi mon repas. Ah, moi je suis le prophète, toi tu es mon serviteur, allez va me chercher à manger. Petit là, va. Non, il lui a dit, apporte-nous notre repas. Tu vas manger avec moi. On est ensemble. Regardez l'adab et la modestie. Donc ensuite, les histoires. Qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer donc que Al-Khadir, il va accepter de Moussa, il va lui donner une condition. Il va lui dire, par contre, tu ne me poses pas de questions jusqu'à ce que je t'explique. Moussa, il va accepter. Donc ils vont partir dans un bateau, ils vont voir les responsables du bateau, ils vont leur demander s'ils peuvent monter dans ce bateau, et les responsables, ils vont les accueillir gratuitement. Et lorsqu'ils vont monter dans ce bateau, la première leçon que Al-Khadir il va donner à Moussa, alayhi salam, ils vont être sur le bateau, ils vont voir un oiseau qui va se poser, et cet oiseau avec son bec, il va ramasser de l'eau de la mer. Et Al-Khadir il va dire à Moussa, tu vois, ta science et ma science, comparée à la science d'Allah, elle est comme ce que cet oiseau a pris avec son bec de l'eau de la mer. C'est-à-dire rien du tout. Donc ça c'est la première leçon que Al-Khadir il a donnée à Moussa. Ensuite Al-Khadir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va ébrécher le bateau. Et là, il va être... Al-Khadir, il va ébrécher le bateau et Moussa, il va s'énerver. Il lui dire, comment ça? Ils nous ont accueillis gratuitement et toi, tu ébrèches le bateau? Il lui a dit, je t'avais dit que tu ne devais pas poser de questions. Ils vont repartir dans un autre endroit. Et là, Al-Khadir, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tuer un enfant. Et là, bien évidemment, Moussa, qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'énerver. Il lui dit, comment ça? Tu as fait quelque chose d'horrible. Tu as tué un enfant. Il lui a dit, je t'avais dit de ne pas me poser de questions. Et il va dire, Inch'Allah, patiente avec moi. Et Al-Khadir, il va patienter. Jusqu'à ce qu'ils vont arriver dans un endroit, ils vont demander l'hospitalité aux gens, et les gens, ils sont avares, ils ne vont pas vouloir. Et là, Al-Khadir, il va voir qu'il y a un mur qui s'écroule, et il va redresser le mur. Comme il est, tout ce que je raconte, hein, pour ceux qui lisent Sourate Al-Kahf, c'est ce qui est dit dans les versets coraniques. Et donc ensuite, Al-Khadir, il va expliquer ses actes. Il va lui dire, en ce qui concerne le bateau, il y avait plus loin un roi qui se préparait pour partir en campagne de guerre, et donc ils récupéraient tous les bateaux en bon état. Et comme cette famille-là, ils sont pieux, ils sont gentils, ils sont nobles, etc. Eh bien, en ébréchant le bateau, on leur a évité la réquisition de leur bateau. Donc c'était un mal pour un bien. Le deuxième, on a tué un enfant qui en fait était mécréant. Ses parents, ils étaient vieux. Et donc Allah Azza wa Jalla, il va leur remplacer par un enfant pieux. Donc là aussi, c'était un mal pour un bien. Et la troisième histoire, en fait... Sous ce mur, il y avait un trésor qui appartenait à quelqu'un de pieux qui est décédé et qui l'a laissé à ses enfants. Et ses enfants étant orphelins et jeunes, s'ils avaient découvert le trésor maintenant, ils n'auraient pas pu en profiter. D'autant plus dans ce village, les gens ils étaient avares. Donc ils n'auraient fait que prendre la richesse de ces orphelins. Donc en rétablissant le mur, on va faire en sorte que ce mur ne s'écroulera que à leur majorité. Comme ça, lorsqu'ils auront cet argent-là, ils pourront eux-mêmes en bénéficier. Donc voilà l'histoire de Al-Khadir et de Moussa. Alors, quels bénéfices on peut tirer de cette histoire-là? Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on peut dire, mais on va essayer, Inch'Allah, d'aller à l'essentiel. Bien évidemment, déjà, on peut noter l'importance de la science. Regardez, un prophète, est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est plus savant qu'un prophète? Lorsqu'il apprend qu'il a une science qu'il ne connaît pas, il court vers elle. Maintenant, la vraie question qu'on doit se poser, on a dit que Moussa, il est parti prendre une science chez le Khadir, une science qu'il n'avait pas en sa possession. Alors on peut se poser la question, c'est quoi la science que, que Moussa il est parti apprendre chez le Khadir? Et je vous pose la question. Si on analyse les histoires, on peut comprendre. À votre avis, c'est quoi la science que Moussa il est parti chercher chez le Khadir? Alors la patience, oui, c'est une réponse qui est acceptable, mais elle est insuffisante pour comprendre vraiment. Alors voilà, le frère il dit ne pas juger par l'apparence, c'est un des éléments, il faudrait rajouter encore des choses. Alors effectivement c'est une des choses qu'il a appris, c'est une des choses qu'il a appris comme il dit le frère, que sa science par rapport à la science d'Allah elle n'est rien du tout. Mais en fait pour résumer, bon déjà évidemment en étant allé chez le Khadir il a appris beaucoup de choses. Mais on va dire que la principale chose qu'il a apprise, elle réside dans le fait d'accepter les difficultés que Allah te met dans ta vie. Tu dois accepter les difficultés que tu rencontres dans ta vie, tout en considérant que peut-être la difficulté que tu vis aujourd'hui, elle va devenir un grand bien demain. C'est ça la science que, comment dire, que Moussa est parti chercher chez le Khadir. Et en fait, Allah Azzawajal, on peut dire qu'il a envoyé son prophète en formation. Il l'a préparé pour tout ce qu'il allait subir avec Bani Israël, toutes les difficultés. Et donc il est parti par miséricorde d'Allah Azzawajal, il a envoyé son prophète pour justement vivre cette expérience afin d'être prêt à subir tout ce qu'il allait subir avec les enfants d'Israël. Et donc dans cette sourate là en fait, dans la science que Moussa est parti chercher d'El Khadir, c'est tout ce qui t'arrive, patiente, mais patiente d'une belle patience, en pensant que Inch'Allah, après la difficulté vient la facilité. Innama al-usri yusra. Si vous voulez des exemples, on peut donner des exemples. L'exemple de Eid al-Adha. L'Eid al-Adha, donc la fête du sacrifice où on égorge une bête, on fait ça en fait en commémoration de l'épreuve terrible que Allah a fait subir à Ibrahim a.s. Allah azawajal, pour éprouver son prophète Ibrahim a.s., il lui a demandé d'aller égorger son fils. Vous imaginez cette épreuve-là? Et Ibrahim, il a surmonté cette épreuve et il s'apprêtait à obéir à l'ordre d'Allah azawajal. Et il allait égorger son fils. Et quand Allah a vu qu'il était vraiment fermement décidé à accomplir l'ordre d'Allah azawajal, Allah il a remplacé son fils par un bélier, pardon, par une bête à sacrifier. Et c'est pour ça que nous, on égorge en commémoration de cela. Si on analyse cette histoire, on voit qu'un homme, il a subi une difficulté à un moment donné, et que cette difficulté, Allah l'a transformée en grande facilité, puisqu'on peut dire que depuis des siècles, dans tout le monde musulman, le jour de l'Eid, c'est le jour où tout le monde il est heureux. Et même les pauvres, ils sont heureux. Et même ce jour-là, les pauvres, ils mangent de la viande. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est un jour heureux. Et tout ce bonheur-là, il vient d'où? Il vient d'une difficulté que Ibrahim a.s. il a subie. Et d'ailleurs, même quand on médite le verset « Innama al-usri yusra », on voit que dans l'usr, il y a alifoulam, ça veut dire qu'il est défini. Alors que l'yusra, il n'y a pas d'alifoulam, il n'est pas défini. Pour dire en fait que l'yusra awsa' min al-usr. Et on le voit dans cette histoire-là, regardez, Ibrahim, c'est un homme, il a subi une épreuve à un moment donné. Et de là, il y a un bien immense qui découle pour tous les musulmans du monde entier à toutes les époques. Allahu Akbar. Innama al-usri yusra. Également, un deuxième exemple, on peut citer l'exemple de Hajar avec son fils Ismaïl. Ibrahim, il a eu l'ordre de la laisser à la Mecque. Et donc, il l'a laissée avec pas beaucoup de provisions. Et il est parti, il a fait une dua. Et elle, quand elle a vu que son fils, il commençait à avoir faim et soif et qu'il pleurait, elle a commencé à faire 7 fois l'aller-retour entre le mont Safa et le mont Marwa, un des rites que nous faisons aujourd'hui dans le pèlerinage. Et donc, suite à ça, qu'est-ce qui s'est passé? Djibril, il est venu, et il y a l'eau de Zemzem qui est sortie. Et donc, regardez là aussi, une femme, elle a subi avec un enfant une difficulté, une épreuve à un moment donné, dans un endroit donné. Et regardez aujourd'hui, tous les musulmans du monde entier, lorsqu'ils vont au Hajj, ils bénéficient d'une eau bénie qui est l'eau de Zemzem. Innama al-usri yusra. Donc voilà la science que Moussa, alayhi salam, il est parti chercher chez le Khadir. Donc c'est la patience, mais c'est plus que ça. Donc, Inch'Allah, je m'arrête là pour cette histoire. Maintenant, on va faire la dernière histoire, qui est donc l'histoire de Dhul Qarnayn, pardon. On va essayer d'être rapide. Donc, déjà, Dhul Qarnayn, on peut s'intéresser à son nom. Il est construit sur le duel. En arabe, il y a le singulier, le pluriel et le duel. Le duel, en fait, ça veut dire deux choses. Si je dis Kutub, c'est un livre. Kitab, c'est un livre. Et si je dis Kitaban, c'est deux livres. Et donc, là, le nom Dhul Qarnayn, il est construit sur le duel. Alors certains savants ils disent qu'en fait c'est parce qu'il Dhul Qarnayn il avait la force matérielle, il avait une armée, etc., la puissance, la connaissance, et il avait aussi la force spirituelle parce qu'il était pieux, il était croyant et c'était un fervent adorateur d'Allah Azzawajal. Et d'autres ont dit, et c'est l'avis le plus, Allahu A'lam, peut-être le plus probant, c'est que il est appelé Dhul Qarnayn car il a parcouru la terre, il a été de l'Orient jusqu'à l'Occident. Donc c'est pour ça qu'il s'appelle Dhul Qarnayn. Et donc Allah Azza wa Jal, il nous raconte son histoire. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذُو الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. Il te questionne au sujet de Dhul-Qarnayn, donc les Qurayshites, aux prophètes, et on va te raconter quelques-unes de ces histoires. Donc Allah Azza wa Jalla nous dit, إِنَّمَا كَنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَأَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. Donc nous vraiment nous avons affermi sa puissance sur terre et nous lui avons donné libre voie à toute chose. Donc c'était quelqu'un de puissant. Donc les historiens, ils ont beaucoup polémiqué à savoir qui était-il. Est-ce que c'est Alexandre le Grand ou d'autres comme ça, d'autres hypothèses. En réalité, bon, c'est toutes des hypothèses. Moi, je suis pas un spécialiste en histoire. Donc par rapport à qui était-il. Et de toute façon, il y a une part de mystère qui est voulue. Parce que si Allah il avait voulu vraiment qu'on sache qui était de l'Qalin, on l'aurait su. Donc il y a une part de mystère. Et moi, je dis Allah a'lam qui était-il. Après tout ce que j'ai lu, j'en ai déduit que je ne savais pas. Il n'y a rien. Ce ne sont que des hypothèses. Donc son histoire, en fait, ici, Allah Azza wa Jalla nous raconte trois de ses voyages. Donc, فَاتَّبَعَ سَبَبَا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ. Donc il est parti déjà, il a fait un voyage jusqu'à ce qu'il est arrivé au couchant, c'est-à-dire à l'est, à l'extrême est. Et quand il est arrivé là-bas, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que les gens ils vivaient dans l'injustice et dans le désordre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va rétablir la justice. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. Donc il dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran par rapport à ce voyage, quand Dhul-Qarnayn il a vu le désordre et l'injustice dans ce peuple là, il leur a dit: quant à celui qui est injuste, nous le châtirons, ensuite il sera ramené vers son Seigneur qui le punira d'un châtiment terrible. Et quant à celui qui croit et fait bonne œuvre, il aura en retour la plus belle récompense et nous lui donnerons des ordres faciles à exécuter. Donc on voit en fait quand il est arrivé dans ce pays et qu'il a vu l'injustice qui régnait et tout, etc. Il est arrivé, il était puissant et donc il a rétabli la justice. Comment? En châtiant ceux qui étaient mauvais et en récompensant et en encourageant et en les éduquant à la foi. Puisqu'il dit celui qui va être croyant, il va avoir les récompenses de son Seigneur. Et nous, ce qu'on va lui demander, c'est que des choses faciles. Donc il a encouragé les gens vers le bien, il a été sévère avec ceux qui faisaient le mal, et donc son objectif, c'est quoi dans ce voyage, en fait? C'est de rétablir la justice. Il va faire un deuxième voyage. Donc après, il a fait un autre voyage, il est parti, donc il était à l'extrême est, il est reparti à l'extrême ouest. Et là, qu'est-ce qu'il a vu? À l'extrême ouest, pardon, moi je sais pas pourquoi. Il est parti, il a vu des gens qui étaient pauvres. Et donc là-bas, il va essayer de les aider économiquement parlant. Et d'ailleurs, on n'a pas beaucoup d'informations sur ce voyage-là. Ensuite, il y a un autre voyage, et c'est le dernier voyage. Donc là, il a repris la route. Certains disent qu'il a été vers la Russie, vers la Sibérie. Là aussi, c'est pareil, ça, Allahu A'lam, ce sont que des hypothèses. On n'a pas d'éléments vraiment clairs sur cela. Mais le mohim, c'est qu'il est parti faire un autre voyage. Et qu'il a, il a rencontré un peuple qui se plaignait de deux tribus, Ya'juj wa Ma'juj, Gog et Magog, qui sont deux tribus qui commettaient beaucoup de désordres. Et donc ce peuple-là, quand ils vont le voir, ils vont lui dire: oh Dhul-Qarnayn, est-ce que tu peux pas nous aider? Est-ce que tu peux pas nous mettre un bar? Est-ce que tu peux pas nous débarrasser de ces tribus-là? Et on va te payer pour ça. Et lui, il va leur dire: moi, j'ai pas besoin de ce que vous allez me donner. J'ai pas besoin de vos richesses. Ce que Allah m'a donné, ça me suffit. Mais par contre, aidez-moi, et ensemble, on va faire un barrage pour que vous préserviez de Gog et Magog. Et d'ailleurs, ça, c'est un des signes de la fin des temps, c'est que ces tribus, la Gog et Magog, ils vont franchir ce barrage-là. C'est un des grands signes de la fin des temps. Donc voilà, rapidement, en ce qui concerne cette histoire, qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à Dhul-Qarnayn? On peut voir que c'est un exemple, cette histoire-là, de quelqu'un qui entreprend les choses. Hein? On a dit au début qu'il fallait avoir un projet et ça se termine par quelqu'un qui fait beaucoup de choses. Il fait des voyages, il va là-bas, il court ici, etc. Il a l'esprit d'entreprendre. La deuxième des choses qu'on peut voir, c'est que ce serait une réponse à ceux qui nous disent que le Coran c'est un livre de barbares, dans la mesure où souvent on dit que les musulmans, voilà, c'est une religion de barbares, leur histoire c'est la barbarie, le Coran c'est un livre de guerre. Regardez, subhanallah, Allah Azza wa Jalla fait l'éloge de quelqu'un qui avait la puissance sur terre, qui a fait trois voyages Et les trois voyages dont il est question, un, il rétablit la justice, l'autre, il fait du développement économique, et le troisième, il construit quelque chose de défense. Et en plus, on le propose de le rétribuer, il ne veut pas. Donc si on regarde ça dans le Coran, et on regarde aujourd'hui les puissances occidentales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles vont dans les pays... Aujourd'hui, c'est la loi du plus fort aujourd'hui dans le monde. Les grandes puissances, elles vont dans les pays, notamment en Afrique, uniquement pour exploiter les richesses de ces pays-là, les richesses pétrolières, les richesses minières. Hein ? On met des dictateurs dans ces pays-là. Hein ? Le dictateur, il est souvent soit pro-américain, pro-français, etc. Et on lui dit, voilà, toi, on te met bien, on t'arrose, hein, t'as des diamants, toutes les femmes que tu veux, etc. Mais par contre, tu fais les politiques pour que nous, on fait ce qu'on veut. Hein, et vous avez dans des pays, les grandes compagnies pétrolières comme Exxon, elles font des milliards et des milliards de bénéfices par an. Et dans le pays où elles, donc dans ces compagnies, elles font 50 milliards de bénéfices par an dans des pays, comme par exemple le Congo, qui est un pays qui a énormément de richesses. Et dans ces pays-là, la population locale, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas l'électricité, ils n'ont pas les soins. Ils meurent de maladies comme la tuberculose, des choses comme ça. Donc, subhanallah, hein, vous qui dites que le Coran, c'est un livre de guerre, ben nous, voilà l'exemple qu'on a dans le Coran. Par contre, quand on voit ce que vous faites, vous, vraiment, ben on se pose la question de... Hein, c'est l'accuseur accusé, quoi. Donc ça, c'est une première leçon. La deuxième aussi qu'on peut voir aussi, qui nous permet de méditer sur la société dans laquelle on vit, c'est que cet homme-là, sa réussite, c'est qu'il avait la force matérielle avec la force spirituelle. Et on voit, nous, aujourd'hui, qu'une société qui a beaucoup de technologies, hein, la force matérielle et tout, etc., s'il n'y a pas la force spirituelle avec, alors la force matérielle, ça va amener quoi ? Ça va amener la destruction dans le pays. Et on voit, nous, nos sociétés, en France, dans la société dans laquelle on vit, on a beau être économiquement, technologiquement, au niveau du savoir, très avancé, mais quand on voit notre société, on se détruit de l'intérieur. Il n'y a plus de valeur, il n'y a plus de famille. Hein, les chiffres de la délinquance en 2008, c'était 7 crimes par minute en France. Vous imaginez 7 crimes toutes les minutes ? Quelqu'un qui se fait agresser, une branque qui est braquée, un gars qui vole une voiture, quelqu'un qui viole une femme. Si la technologie, c'est pour nous amener à ça, on a le droit de se poser des questions si on n'a pas oublié quelque chose avec la technologie quand même, non ? Donc un des enseignements de cette histoire-là, c'est quoi ? C'est que la force matérielle et technologique, si elle n'est pas accompagnée de la force spirituelle, de la foi, de la crainte d'Allah, elle ne sert à rien. Et même, elle sera destructrice. Et je vais m'arrêter là. Maintenant, donc, on a raconté ces quatre histoires-là. Donc, la première chose que je voudrais qu'on essaye de mettre en lumière, c'est le lien entre ces histoires. Parce que souvent on lit, on passe d'une histoire à une autre, on ne comprend pas bien est-ce qu'il y a un lien ou pas. Alors qu'en fait, en vérité, il y a un lien. Le lien, c'est quoi ? C'est qu'en fait, la première histoire, c'est l'histoire de quoi ? De la fitna dans la religion. Et ça, c'est la plus grande fitna qu'il y a pour l'être humain, c'est d'être meftoun dans sa religion. Il croit en Dieu, alors il ne croit pas, ou etc. Ou alors il croit, mais il y a plein d'hérésies, de polythéisme, etc. C'est la plus grande des fitnas. Hein ? Et donc, cette histoire-là, c'est des gens, parce qu'ils étaient croyants, on les a persécutés. Hein ? Et donc, nous aussi, c'est un exemple à méditer, que si tu vas vouloir t'accrocher à la religion, ça veut dire qu'il va y avoir des obstacles. On va se moquer de toi, on va te dire que t'es fou. Ah, tu jeûnes tout le mois de Ramadan, c'est dur, mais vraiment, c'est n'importe quoi, faut te libérer, on est en 2010. Hein ? La deuxième histoire, c'est quoi ? C'est fitnat al-dunya, fitnat al-mal. La deuxième histoire, c'est quoi ? C'est un homme, comme il a des richesses, il croit que ça y est, c'est le meilleur. Et en fait, on voit que la première fitna pour l'être humain, c'est de ne pas avoir de religion. Si maintenant il sait que la religion, c'est la vérité, qu'est-ce qui va l'empêcher de s'accrocher, d'avancer vraiment dans sa religion ? C'est dunya. La troisième histoire, c'est quoi ? C'est fitnat al-ilm. Combien de gens, ils savent que la religion, c'est la vérité ? Alhamdulillah, ils ont réussi à enlever dunya de leur cœur. Ils se mettent à apprendre, et quand il apprend, il devient meftoun. Il kaffar hada, il badda hada, tout le monde, il est égaré, tout le monde, etc. Fitnat al-ilm. Et regardez les fitnas, elles s'enchaînent les unes après les autres. Par ordre, on va dire, par ordre décroissant. La pire, fitnat al-din. Après, si tu t'en es préservé, fitnat al-dunya. Après, fitnat al-ilm. Et après, la quatrième fitna, c'est quoi? La fitna du pouvoir. Combien de personnes, ils font beaucoup d'efforts dans la religion, dès qu'il devient imam ou directeur de quelque chose, ça fait idglib. Hein? Et donc, regardez, en fait, ces histoires-là, c'est quoi? C'est toutes les fitnas qu'il peut avoir dans la vie d'un être humain. Et donc, c'est pour ça que toutes ces histoires-là, elles s'enchaînent. En plus, on peut méditer et s'apercevoir que dans cette sourate-là, vous avez la première histoire, donc la fitna de la religion, la deuxième histoire, la troisième histoire, la quatrième histoire, et en plein milieu de ces histoires-là, vous avez le 50e verset. Et qu'est-ce qu'il est dit dans ce 50e verset ? Est-ce que quelqu'un sait ? De qui on parle ? وَإِدْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَ سُجُدُوا لِأَدَمَا فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِسِ. On parle de qui ? De Shaitan. Subhanallah, il y a quatre histoires. C'est la fitna, que toutes les fitnas que tu peux avoir dans ta vie. Et en plein milieu, on parle de Shaitan. Pourquoi ? Pourquoi à votre avis ? La réponse, elle est évidente. Parce que c'est lui qui tire toutes les ficelles de ces fitnas-là. C'est lui qui te met ces fitnas-là. C'est lui qui te dit, mais tu crois vraiment que faut te lever tous les matins pour aller à la mosquée. Tu crois en ça vraiment, ça date de 14 siècles. Si tu te préserves de ça, il va dire, ah regarde, les voitures, l'argent. Si tu te préserves de ça, il va dire, ah toi t'as du ilm, regarde. Eh ben c'est à l'école, c'est les djouhel. Hein, si tu te préserves de ça, bah, c'est toi le responsable, tu dois t'imposer, etc. C'est qui dit ça? Shaitan qui tire toutes ces ficelles-là. C'est pour ça qu'il est en plein milieu. Donc on a vu ces histoires-là, le lien qu'elles avaient entre elles, le fait qu'il y ait Shaitan au milieu pour montrer que c'est bien lui qui tire toutes les ficelles. Et regardez la grande sagesse du Coran et la miséricorde d'Allah Azzawajal, c'est qu'on te montre les problèmes, mais aussi on te montre les solutions. En ce qui concerne la fitna de la religion, à la fin du récit de surat de Ashab al-Kahf, qu'est-ce qu'il est dit ? Il y a un verset, وَاسْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. Fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face. Celui qui veut préserver sa religion, qu'il choisisse de bonnes fréquentations, qu'il aille vers les gens de la religion, les gens qui vont lui tirer vers le haut, qui vont lui porter le conseil, qui vont le motiver à faire la prière, à faire du dhikr. Et regardez ensuite, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. Et donc regardez, pour se préserver de dunya, il y a deux choses. Pour se préserver, pardon, de la fitna de la religion, il y a deux choses qu'on doit. On doit avoir de bonnes fréquentations, des gens qui vont avoir une bonne influence, de nous rappeler sans arrêt l'essentiel de cette vie-là. Et la deuxième des choses, c'est de se rappeler qu'un jour tu vas mourir. Et que soit tu iras au paradis, soit tu iras en enfer. Et regardez ce verset, il est terrible. Donc la vérité émane de votre Seigneur. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut, qu'il mécroit, nous avons préparé pour les injustes un feu dont les flammes les cernent. Et s'ils implorent à boire, on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise boisson et quelle détestable demeure. Donc c'est pour ça que ces versets, ils viennent là. Pour te dire, attention, si tu veux te préserver de fitnat din, constamment, surveille tes fréquentations et rappelle-toi qu'un jour tu vas mourir et que tu seras présenté devant Allah Azzawajal. En ce qui concerne la fitna des biens, pareil, à la fin de l'histoire sur les gens du jardin, وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ. Donc regardez, à la fin de cette histoire-là, pour le fitnat des biens, Allah Azzawajal nous dit ce qui signifie, propose-leur l'exemple de la vie d'ici-bas, elle est semblable à une eau que nous faisons descendre du ciel, la végétation de la terre se mélange à elle, puis elle devient de l'herbe desséchée que les vents dispersent. Allah est certes puissant en toutes choses. En fait, c'est pour nous dire que cette vie-là, elle ne dure pas. Hein? Une fleur, hop, ça pousse, c'est beau, et très vite, ça se fane et ça disparaît. Et ensuite, les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Cependant, la bonne œuvre qui périsse, les bonnes œuvres qui périssent ont auprès de ton Seigneur une meilleure récompense et suscitent une belle espérance. Ensuite, en ce qui concerne la fitnat al-ilm, c'est quoi le médicament? C'est la modestie. Et donc celui qui apprend, il doit sans arrêt, plus il apprend, plus il doit rechercher la modestie. Si plus il apprend, plus il devient orgueilleux, ah, c'est qu'il a pris une mauvaise voie. Et d'ailleurs donc ici, toute l'histoire, elle nous parle de la modestie. De la modestie de Moussa envers Al-Khadir. C'est un prophète, il fait des kilomètres pour aller apprendre une science de quelqu'un qui a moins de noblesse que lui. Il a de la modestie envers son valet. Regardez, il s'est trompé, il lui a pas crié dessus. Il lui a dit, c'est pas grave, on revient, on fait demi-tour. Il lui a dit, viens, ensemble, on mange. La modestie de Al-Khadir envers Moussa, il lui a donné une condition de ne pas poser de questions. Trois fois, il lui a posé des questions, trois fois, il lui a pardonné. Et enfin, la fitna du pouvoir. Celui qui veut se préserver de cette fitna terrible, qu'il ait à l'esprit? Comme Dhulqarnayn, il faut qu'il ait à l'esprit que tout vient d'Allah. Tous les biens que tu as, c'est Allah qui t'a permis de les avoir. Tout ce que tu as fait de bien, c'est Allah qui t'a permis de le faire. Et regardez, lorsque les gens ils ont commencé à vanter Dhulqarnayn de tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a dit? Qala hadha rahmatun min Rabbi. Ceci, c'est pas moi, c'est une miséricorde d'Allah. Hein, donc celui qui veut se préserver de la fitna du pouvoir, donc qu'il sache que tout vient d'Allah et qu'il soit reconnaissant envers son Seigneur. Donc on a vu toutes ces histoires-là, l'enchaînement, etc. On peut voir aussi, donc, on a dit que fitna al-ilm, l'histoire de Al-Khadir et de Moussa, c'est de comprendre que dans la vie, tu dois accepter tout ce qui t'arrive comme chose difficile. Et regardez l'histoire qui vient après, c'est Dhulqarnayn, quelqu'un qui court partout. Pourquoi? Pour bien te faire comprendre, accepte les difficultés qui t'arrivent. Mais accepter les difficultés qui t'arrivent, ça ne veut pas dire que tu restes les bras croisés et tu te lamentes. Non. Tu acceptes, mais tu fais tout pour t'en sortir. Tu demandes à Allah. Tu fais des causes aussi, des causes matérielles. Hein? Et tu fais des efforts et tu bouges. Donc aussi l'enchaînement entre la troisième histoire et la quatrième histoire. Maintenant, le lien... entre cette histoire et le fait de lire, entre cette sourate et le fait de la lire tous les vendredis, il est évident. Tous les vendredis, tu vas lire cette sourate et tu vas te rappeler toutes les fitnas que le diable essaie de mettre dans ta route, qui te mène vers Allah Azza wa Jal. Donc comme ça, tous les vendredis, tu te rappelles des fitnas qui sont devant toi. Donc regarde, c'est un rappel. Ensuite, le lien avec Masih al-Dajjal. Le lien avec Masih al-Dajjal, c'est que Dajjal, il va venir avec des fitnas. Il va venir avec la fitna de la religion, puisqu'il va dire aux gens, adorez-moi. Il va venir avec la fitna des biens, puisqu'il va posséder énormément de richesses et qu'il va pouvoir faire, dans des endroits où les terres sont arides, il va pouvoir faire revenir la végétation, par la permission d'Allah, bien sûr. Donc la fitna de dunya, il va venir aussi avec. Il va venir avec la fitna du ilm, puisqu'il va annoncer des choses, des nouvelles que les gens ne connaissaient pas. Il va venir aussi avec la fitna du pouvoir, puisqu'il va gouverner sur toute la terre, sauf à la Mecque et Médine. Donc voilà le lien entre Messie al-Dajjal et Surat al-Kahf. Ensuite, cette surat, elle se termine par, et on va terminer, Inch'Allah, sur ça, elle se termine par un verset où Allah Azza wa Jal nous dit « قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ظَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا » Donc ce verset où Allah il dit à son prophète, dit aux gens, voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre, ceux qui s'imaginaient faire le bien sur terre alors que leurs efforts se sont égarés. Donc ici c'est un avertissement d'une dernière grande fitna et d'un dernier grand piège qui consiste à œuvrer, à faire des choses. On a dit, l'histoire se termine par Dhulqarnayn, quelqu'un qui fait beaucoup de choses, qui entreprend beaucoup de choses. Mais le fait d'entreprendre, c'est pas suffisant. Tu pourrais faire beaucoup de choses, avoir une bonne niya, le faire pour Allah, le faire en pensant faire le bien, et pourtant tout ce que tu fais, il sera pas accepté auprès d'Allah Azza wa Jal. Pourquoi? Parce que ce que tu fais, il est pas en conformité avec la religion d'Allah Azza wa Jal. Il est pas en conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le dernier verset, c'est quoi ? قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Donc regardez ce verset, quiconque espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse une bonne œuvre. Et une bonne œuvre, c'est quoi ? C'est quelque chose qui est en conformité موافق الشريعة الإسلامية متابعة يعني فيها متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. Il est en conformité avec la loi musulmane et il est en conformité avec la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après ensuite la deuxième condition pour que ton œuvre y soit bien, il soit accepté auprès d'Allah, c'est qu'il soit fait sincèrement pour Allah. Donc tout ce que tu fais pour te rapprocher d'Allah, il faut que ce soit en conformité avec la législation de Mohammed et qu'il soit fait sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Une autre question, on peut expliquer aussi, je vais terminer sur ces deux choses-là. Donc le verset où Allah il dit قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي. Donc c'est le verset où Allah il dit si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur. Et en fait, ce verset-là, lorsque les Qurayshites, ils sont partis voir les érudits à Médine, ils leur ont dit, on a quelqu'un qui se prétend recevoir la révélation. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, non, Allah, il a parlé avec nous, c'est fou, il ne parle plus après. Et c'est pour ça que ce verset, il est descendu. Pour répondre aux érudits juifs. Et c'est pour vous expliquer que chaque verset qui est dans le Coran, c'est jamais, il n'est jamais là par hasard. Et donc, juste, on terminera, Inch'Allah, sur... Pourquoi cette sourate, elle a comme titre la caverne ? Est-ce que quelqu'un aurait une réponse ? Non, personne ? Pourquoi la caverne ? Donc, si on regarde l'histoire de la caverne, déjà, à la base, une caverne, c'est pas quelque chose qui est rassurant, c'est obscur. Hein ? Il viendrait à l'idée de personne de passer sa vie dans une caverne. Ou des vacances dans une caverne, c'est quelque chose d'obscur, c'est pas quelque chose de rassurant. Ces jeunes-là, Allah Azza wa Jal, il a fait que la caverne, ça a été un lieu de miséricorde. D'accord ? Et donc cette sourate, elle s'appelle la caverne, comme si Allah, il voulait nous dire, toi dans ta vie, quand tu regardes devant toi le futur, c'est obscur, tu sais pas ce qu'il y a. Tu peux être inquiet par rapport à ton avenir. Donc c'est un peu ton futur comme une caverne. Mais si comme les jeunes, tu places ta confiance en Allah et tu t'accroches à Allah, tu places ta confiance en Allah et tu adores Allah, alors ton avenir, il sera fait de miséricorde, comme les jeunes dans cette caverne. Vous avez compris ? Alhamdulillah. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. سبحان ربك العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين